Plage 7, le bien-être physique. Le bien-être physique, la forme, la santé. Ils sont probablement les points essentiels d'une vie heureuse et équilibrée, car sans eux, point de projet et pas plus d'énergie pour les réaliser. Pendant que votre corps est occupé à se défendre contre les agressions, il ne peut pas se consacrer à la réalisation de vos envies, ou peu, ou mal. Un manque de forme physique est bien souvent le symptôme d'un désordre moral, comme je l'ai déjà expliqué dans l'enregistrement « Le pouvoir de guérir ». Mais il peut également provenir d'une programmation remontant à notre enfance. Pour différentes raisons, et bien que cela vous semble improbable, peut-être avez-vous développé certaines habitudes liées aux problèmes de santé alors que vous étiez enfant. Pour attirer l'attention sur vous, pour vous faire protéger par vos parents dans des périodes difficiles et vous assurer de leurs sentiments, ou tout simplement pour éviter des événements qui vous faisaient peur, comme des tests de connaissances à l'école, des épreuves sportives, etc., etc. Aussi, nous allons y remédier immédiatement. Conservez l'état de relaxation dans lequel vous êtes grâce à la plage 3 de cet enregistrement. Respirez profondément et gardez les yeux fermés. Vous vous trouvez à présent devant la porte d'un cinéma. Entrez, prenez une place. Vous cherchez la salle que vous désirez, puis vous y pénétrez. Vous êtes le seul spectateur. Installez-vous confortablement à l'endroit idéal pour vous afin d'avoir une pleine vision du film. Les lumières s'éteignent et le film commence. Sur l'écran, il y a votre chambre alors que vous étiez enfant. Vous en reconnaissez le décor. La caméra se balade. Dans le lit, il y a l'enfant que vous étiez. Manifestement, il est malade. Sous les couvertures, il geint et il est transpirant de fièvre. Sur la table de chevet sont disposés un verre d'eau, des comprimés et un thermomètre. Prenez le temps d'observer cette scène. Elle vous rappelle sans doute des choses que vous avez déjà vécues. Votre mère entre dans la chambre et s'assoit sur le bord du lit. Elle caresse le front de l'enfant et lui dit tout doucement « Mon pauvre chéri, tu es brûlant de fièvre. Ça va pas, hein? Le docteur a dit qu'il fallait que tu te reposes au moins 2 jours. En plus, ça tombe mal. Toi qui devais participer aux épreuves sportives à l'école, t'es encore malade. À chaque fois, t'as vraiment pas de chance, hein? Repose-toi. » Elle borde l'enfant, l'embrasse sur le front et sort de la chambre. Imprégnez-vous de ce que l'enfant ressent à cet instant, que ce soit les émotions ou bien les effets de la grippe. Mais soudain, quelque chose se produit sur l'écran. L'image devient beaucoup moins bonne. Les couleurs pâlissent. Le contraste devient de plus en plus léger. Le son est altéré. Le film ressemble peu à peu à un vieux Super 8 des années 60. L'image est complètement délavée, rayée, poussiéreuse. Le film saute. Il n'y a plus de couleurs, tout est flou à présent sur l'écran. Regardez. Il devient même complètement brumeux. On ne distingue plus rien. À partir de maintenant, je vous demande de tapoter vos cuisses avec vos mains, comme je vous ai appris à le faire, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Mais l'écran ne reste pas dans cet état bien longtemps. Et vous constatez que, peu à peu, quelque chose réapparaît. Vous distinguez une grande surface verte. du monde autour. Ah oui, l'image s'éclaircit progressivement et elle devient parfaitement nette. Il s'agit d'un stade, rempli d'enfants accompagnés de leurs parents. Certains de ces enfants sont sur la ligne de départ d'une course, dont l'enfant que vous étiez. Le coup d'envoi va être donné. À vos marques, prêts, partez. Les enfants courent le plus vite qu'ils peuvent. Chacun dans son couloir. Les parents les encouragent, dont les vôtres qui sont là. Entendez-les crier, voyez-les gesticuler dans les gradins. « Allez, allez, allez, allez !» disent-ils. Les enfants continuent de courir, et c'est vous qui prenez la tête de la course. Accentuez la qualité de l'image et du son. Plus de relief, de netteté, de couleur, allez-y. La ligne d'arrivée se rapproche, et c'est vous qui gagnez. Vous levez les bras au ciel, heureux de cette victoire. Des personnes viennent vous féliciter, dont votre vous adulte. Approchez-vous de l'enfant. Félicitez-le encore. Prenez-le dans vos bras. Puis, vous vous isolez un moment avec lui pour lui dire ceci. C'est formidable. Bravo. Tu as gagné. Tu vois à quel point tu es fort. Athlétique. Résistant. Tu les as tous battus et tu n'es même pas fatigué. Tu es en pleine forme. Et bien plus tard, tu verras, ce sera la même chose. Tu seras toujours rempli d'énergie physique et morale, constamment prêt à bouger et à mener les autres. Tu consacreras du temps pour ton corps, pour ton bien-être et ta santé. Ce sera même l'une de tes grandes priorités. Tu verras, tu feras du sport. Tu auras un sommeil réparateur. Tu auras une alimentation saine et équilibrée. Tu sauras gérer ton énergie. Et tu seras libre de toute substance addictive mauvaise pour ta santé. L'alcool, le tabac et les drogues, tout ça, ça te fera horreur. Fais-moi la promesse que plus tard, tu seras toujours en pleine forme, rempli de vitalité, en pleine santé, sans la moindre faiblesse. L'enfant vous regarde, plein de fierté, et vous répond que oui. Prenez le temps de l'observer. Regardez son visage illuminé par la joie et l'énergie. Ressentez intensément ce qu'il se passe à l'intérieur de lui, à l'idée de la promesse indéfectible qu'il vient de vous faire. Vous savez qu'il s'y tiendra. À présent, prenez-le dans vos bras, embrassez-le, serrez-le encore une fois et dites-lui « Allez, maintenant va récupérer ta médaille, tu l'as bien méritée, t'es un champion de toute catégorie. » Voyez l'enfant s'éloigner de vous, toujours aussi fier de sa victoire et heureux de cette conversation qu'il vient d'avoir avec vous, sachant qu'il vivra une vie toujours rempli d'énergie, de bien-être et de santé. Il monte à présent sur la plus haute marche du podium, sous les bravos et les vivas. Le film se termine. Voyez le générique défiler sous vos yeux. Une lumière tamisée envahit la salle. Vous êtes tellement heureux d'avoir vu ce film que vous vous levez pour applaudir de tout votre cœur. À présent, vous pouvez arrêter de tapoter vos cuisses. La salle se rallume intégralement et vous en sortez tranquillement.